Voilà, comme j'ai fait l'introduction du livre et Elisabeth la conclusion, j'introduis. On va faire comme ça. Donc on va pas faire une conférence, mais plutôt l'occasion d'avoir un débat avec vous aussi. On va lancer quelques pistes, vous expliquer le projet, puis surtout dire qu'on représente quand même d'autres. On n'est pas, c'est un collectif. C'est-à-dire que nous on a fait le travail de rassembler les textes, de les harmoniser. C'est suite à une journée d'études qu'il y a eu à la faculté de théologie sur cette question évangélisée, qui a d'ailleurs, on avait été surpris par le nombre, on était au moins 140, dont énormément de pasteurs, qu'on s'est dit, il faut transformer cette matière partagée oralement en une publication plus durable. Donc c'est quand même une question qui nous touche et qui est effectivement qui avait encore jamais été abordée dans la théologie universitaire, où on est toujours un petit peu en retrait par rapport aux questions, puisqu'on n'est pas dans l'actualité brûlante, on n'est pas des journalistes, on est des chercheurs, on travaille sur une matière qui est souvent livresque, et il y a souvent un décalage entre la pensée, les écrits universitaires et puis ce qui se vit. Mais comme nous sommes dans la théologie pratique, et on est chargé d'essayer de faire le lien entre les pratiques, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ce qui se vit dans l'Église, à la périphérie, dans le monde, et qui peut questionner l'Église, et puis une pensée plus distancée, eh bien on est quand même assez attentif à ce qui peut nous questionner la théologie pratique. Et effectivement, cette question de ces paroisses qui se vident, ou qui n'arrivent pas, ou qui survivent, qui sont... parfois qu'on même beaucoup de mal à assumer même les activités les plus classiques de l'Église, le culte, la catéchèse, etc., pose question. Est-ce qu'il faut continuer à rester comme ça les bras croisés et puis se dire tant qu'il y en a encore quelques-uns, ou est-ce qu'il faut réagir? Et on s'est aperçu qu'on n'est pas les seuls à se poser cette question. C'est un phénomène qui touche toute l'Europe occidentale, nos amis catholiques aussi. Donc on s'est dit, il faut déjà aborder ça, on ne va pas rester nous dans notre petit coin. Regardez ce qui se fait ailleurs, ce que font les catholiques. Et on s'est aperçu que c'est un champ qui est assez vivant à deux niveaux, si vous voulez. Au niveau des publications, de ce qui se publie, même si les termes ne sont pas les mêmes. Alors les catholiques parlent de la seconde évangélisation, nouvelle évangélisation, ou seconde annonce. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose qui illustre l'idée d'un redépart, d'un recommencement, avec des synodes. Il y a eu un synode des évêques sur cette question, etc. Et après, c'est décliné dans différents... groupe de travail, de recherche. Les Anglais ou les Anglo-Saxons parlent de l'Église émergente, la Emerging Church, c'est donc un terme qu'on traduit par Église émergente ou les Églises émergentes, qui est partie d'une action aussi qui a eu pas mal de succès en Grande-Bretagne et qui s'est élargie dans l'Église d'Angleterre, avec un équivalent américain qui n'est pas tout à fait la même chose, mais en gros c'est ça, c'est comment... redynamiser nos communautés. Et puis les Allemands parlent du Gemeindeaufbau, alors construction des communautés ou développement de la communauté, avec des stratégies un peu différentes. Donc on a voulu essayer de faire un peu un tour d'horizon de ces publications qui apparaissaient maintenant depuis une bonne dizaine d'années. Avec, et ça c'est le deuxième niveau peut-être, ces publications, c'est pas la théorie, on n'est pas dans la théorie pure comme ça, c'est ce qu'on a, moi j'appelle la recherche-action, qui se fait assez souvent, c'est quand même souvent des réflexions articulées à des pratiques. C'est-à-dire pour ça que ça intéresse, c'est-à-dire qu'on va aussi sur le terrain, on regarde ce qui se fait, ce qui se vit, et après on essaye de prendre un peu de distance et de penser théologiquement ces expériences. Donc il y a un côté aussi expérientiel. Et tout ça, c'est parti de la Grande-Bretagne, justement, de l'Église d'Angleterre, où il y a eu un rapport dans cette Église, d'essayer d'identifier les lieux, alors soit dans l'Église, soit un peu à la périphérie, soit peut-être hors de l'Église, mais finalement pas si séparé de l'Église que ça. Tout le secteur de la diaconie, par exemple, le diaconat. Ce sont des lieux très importants, des lieux de vie, des lieux de témoignage. Alors c'est pas l'Église au sens institutionnel du terme, mais il y a des relations de travail, de partenariat, d'institutions, etc., etc. Donc vous voyez, et alors ce rapport dont il est beaucoup question dans ce livre, à la fois par Gabriel Monnet, et puis on avait un anglophone, hein, qui est un pasteur, Andy Buckler, qui est pasteur de l'Église protestante unie à Paris, qui a lui-même été pasteur à Oxford et qui est chargé de l'évangélisation au niveau de cette église. Donc on a des témoignages de première main. Et le succès de ce rapport, qui n'est pas traduit en français bien sûr, hein, mais il a été traduit même en allemand, republié en anglais, etc., est de montrer qu'il y a énormément de lieux très divers dont on pourrait dire que c'est l'église de demain aussi, hein. Ça peut aller de cafés théologiques, de groupes de culte avec des jeunes, d'expériences dans la rue, etc. Enfin, ils ont listé un peu toutes ces activités, et il y en a, c'est par centaines, par milliers, il y en a qui du coup, par contre-coup, aident à redynamiser l'Église, parce que montrent que peut-être que l'Église, c'est pas simplement le schéma traditionnel du culte dimanche avec l'étude biblique et puis puisqu'on connaît, hein, la desserte pastorale, mais ça peut être aussi des lieux périphériques. Et voilà, ça donne de la matière à réfléchir. Alors, c'est pas parce que ça a marché ici que ça marche là. Et là, c'est aussi un deuxième élément qu'on a voulu pointer, c'est montrer la nécessaire contextualisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire, quelque chose a marché ici, ça va marcher là. Non, il faut aussi prendre en compte où on se trouve, dans quelle situation, l'histoire des communautés, la sociologie du lieu, les évolutions des quartiers, etc. Et il faut pouvoir donc adapter ces nouvelles lignes à ces tendances qu'on peut trouver. Et par exemple, chez les Allemands, ils ont réussi, en faisant une enquête assez limitée autour de Hanovre, à repérer trois domaines, trois typologies de paroisses, selon trois contextes différents, qui étaient d'une part le contexte culturel, une paroisse qui est liée à un contexte culturel fort, soit parce qu'il y a des touristes, soit parce qu'ils sont dans un centre historique, il y a des vieilles pierres, il y a du culturel, les gens sont intéressés par le culturel, etc. Et du coup, comment rebondir par rapport à ça, comment mieux attirer des touristes, hein, quand on a une paroisse au bord de la mer ou en montagne ou dans un centre historique apprécié, etc. Mais on a des tas de passants qui sont là, comment faire en sorte que ces églises soient ouvertes, pas simplement une heure le dimanche, mais et que les gens rentrent, et une fois qu'ils sont là, est-ce qu'on peut leur proposer des choses, et quoi, etc. Donc voilà, ça serait un peu le premier profil dit culturel. Puis un autre profil qui est, on pourrait l'appeler plus traditionnel, qui est souvent lié à la ruralité aussi, c'est-à-dire que l'ancien modèle n'est pas périmé, hein, y a aussi des gens qui sont très classiquement en attente d'un accompagnement pastoral, de culte avec une tradition, on sait pourquoi elle est là, repensée peut-être, mais vivante, etc. Le mélange des générations, ça c'est aussi, on découvre que la paroisse peut être le seul lieu dans une société très cloisonnée où on peut organiser des choses avec des anciens ou des plus jeunes ou intergénérationnels. En catéchèse, on parle beaucoup de catéchèse intergénérationnelle où finalement c'est il y a une relation entre, pas forcément entre parents et enfants, mais grands-parents et enfants, et ça peut être aussi dans les deux sens. Enfin, vous voyez tout ça. Et puis le troisième modèle, qui est aussi un modèle assez vivant, c'est le modèle plus social, hein, des paroisses qui sont dans des zones socialement difficiles. Là, s'il y en a de plus en plus, où là, on a beaucoup à accentuer la solidarité, la mission de l'Église, qui est d'être présente auprès des plus faibles, des plus démunis. Et bon, là, on a un bon exemple ici à Strasbourg avec Cronan pour citer, mais il y en aura d'autres. Je reviens du Kirchentag, par exemple, et à la Leonhard Kirche. C'est prodigieux, ils servent 400 repas deux fois par jour dans une église baroque des plus traditionnelles, mais ils ont décidé, c'était un choix de la paroisse, de ne garder le cœur que pour un petit groupe de paroissiens, et le reste, hein, c'est table ouverte pour tous ceux qui ont besoin, hein, d'une aide de repas, etc. Et le cadre interagit sur la façon dont cette convivialité, cette commensalité, hein, c'est-à-dire que c'est pas un lieu neutre non plus, hein, et les gens qui sont là, ils découvrent quelque chose de ce qu'est peut-être l'aide de l'Église, sa mission, etc. Donc voilà, j'ai dit ça parce que une des une des tendances, c'est que d'aller peut-être, hein, mais vous voyez qu'on on est à la recherche, hein, on n'a pas, c'est pas des idées toutes faites, peut-être vers des paroisses qui se profilent, hein, au lieu que toutes les paroisses fassent tous la même chose, surtout en Alsace, c'est un peu assez typique, à quelques kilomètres, voire à Strasbourg, à quelques centaines de mètres les unes des autres, hein, et bien que certaines se profilent, hein, pour un type de public, ou un type de message, ou un type d'action, en fonction... Alors, ça, il faut aussi faire une étude de terrain, regarder quels sont nos points forts, quels sont nos points faibles, les potentialités, etc., les lieux, ceux dont on dispose, se profiler pour faire ce que ne fait pas la paroisse à côté, hein, ce qui permettrait de redynamiser, parce que du coup, il y a un certain public qui va venir pour ce que vous proposez, pour ce qui est proposé là, en disant, bah, ici, il est proposé des concerts de qualité, ici, il est proposé une animation artistique, un travail des artistes, hein, ici, bien, on accueille peut-être des étrangers, avec des cultes en plusieurs langues, ici, il y a d'autres choses, bon, donc il faut trouver un peu le concept porteur, et ensuite essayer de le réaliser. Alors, voilà. Une des choses aussi, c'est que ces nouvelles pistes ne sont pas, et ça, on a, enfin, en tout cas, tous les intervenants de livre s'en sont convaincus, c'est pas antithétique avec certaines formes plus traditionnelles de l'Église. Ça, c'est quand même très important, parce que il y a quelques années, c'était quand même le débat, voilà, pour avoir une chance, il faut. Voilà, carrément, c'est nos vieilles églises historiques, elles n'ont plus beaucoup de chance, hein, elles sont dépassées, et maintenant on va construire sur du neuf absolu. Ça correspondait d'ailleurs à l'époque, dans les années 80-90, où on était encore dans la modernité, dans la post-modernité, hein, voilà, ce qui était neuf était moderne, était bien, et puis tout ce qui était ancien était forcément un peu dévalorisé. Aujourd'hui, on est dans la post-modernité, hein, c'est-à-dire qu'il y a aussi un retour à l'histoire, un retour aux racines, au passé, et les deux ne sont plus antithétiques, c'est pas ou, hein, soit on n'est pas soit dans la tradition, soit dans la modernité, ou alors dans les années 80, on pensait de manière très dialectique, hein, on était soit on repréhendait l'institution, soit on repréhendait l'événement, hein, et l'événement était hors institution, voire contre l'institution. Aujourd'hui, on s'aperçoit que l'institution, elle a évidemment ses lourdeurs, elle a ça, mais elle est aussi garante d'une certaine pérennité, de travailler dans la durée, et donc elle est aussi importante. Ça, je crois que c'est quelque chose. Aujourd'hui, on a vu, il n'y a plus du tout cette confrontation. On cherche justement à s'appuyer. L'institution ne peut pas tout, l'événement ne peut pas tout non plus, mais on peut trouver des modèles de collaboration. Voilà, donc vous, je ne sais pas si je vais en dire pas tellement plus. Peut-être que je reprendrai la parole après pour ajouter deux, trois choses, mais je vais te laisser dire aussi deux, trois idées. Puis après, on va vous donner la parole. Mm-hmm. Et puis on va agir aussi. Oui, alors, comme Jérôme a déjà beaucoup dit, donc je vais juste ajouter quelques petits points par rapport aux questions qui se posent. Parce que bon, ce livre n'est pas un livre de recettes. Comment faut-il aujourd'hui évangéliser ? On a plutôt examiné des champs où ça se présente, comme tu l'as dit, dans le domaine de l'Église, dans le domaine du travail social et de la diaconie, dans le domaine de la catéchèse aussi. Donc il y a différents auteurs. Il y a deux auteurs catholiques, Étienne Grieux qui est jésuite et qui travaille dans la diaconie. Il y a Enzo Biemi qui travaille dans la catéchèse, les enjeux catéchétiques dans l'Église catholique. Juste en précisant que dans l'Église catholique, catéchèse ne veut pas dire catéchèse d'enfant, ça concerne surtout même le monde des adultes pour les catholiques. Donc quand ils disent catéchèse, c'est vraiment, disons, la transmission, hein, de donner de la foi chrétienne à tous, et surtout aux adultes. Oui. Donc voilà, très important. C'est un décalage par rapport à... Oui, par rapport à quel programme développer, comment concevoir un enseignement aux adultes d'aujourd'hui qui ne connaissent plus nécessairement les contenus de la foi chrétienne. Alors il s'interroge là-dessus. Il y a un anglican donc, qui a été cité, Andy Buckler, qui travaille aujourd'hui dans les PUF, dans l'Église protestante unie de France, et qui est chargé précisément de cette question de mise en place de C'est d'ailleurs un peu lui qui nous a titillé en disant, on a besoin, pour mon travail, moi, de coordinateur de différents projets d'évangélisation au niveau à Paris et dans un peu toute la France, j'ai besoin d'un travail un peu solide, qui aussi prenne un peu de distance, parce qu'on travaille dans la durée. Oui, parce que comme Jérôme l'a dit, l'Église anglicane a été la première à être pilote, à développer de nouvelles formes, de nouvelles manières d'être église, de manière, dans d'autres lieux ou avec différents autres modèles, tout en gardant le modèle tout à fait traditionnel et en le vivant peut-être de nouvelles manières, notamment dans la liturgie aussi. Ça, tu l'as pas mentionné, la liturgie est peut-être pas tellement pour nos églises, mais pour l'église anglicane, les moments liturgiques dans la journée sont très importants, donc c'est aussi un lieu. Alors, ce qui était pour nous un certain nombre de questions sont les suivantes. La difficulté pour les églises historiques protestantes, c'est notamment la peur de perdre leurs fidèles, la peur de diminuer, d'avoir moins de troupes. Et puis donc on est dans une posture de peur. Et nous avons voulu développer dans ce livre le souci de dire que nous sommes d'abord bénéficiaires. Puisque on évangélise, c'est-à-dire on a quelque chose à transmettre à partir de ce qu'on peut donner. Et qu'est-ce qu'on peut donner? Ce que nous avons reçu, le don du salut, le don de la grâce, la joie d'être croyant, l'espérance. Donc plutôt que de raisonner en fonction de ce qu'on a à perdre et des chiffres qu'on a à faire de nouveaux fidèles, il est important de se placer dans une toute autre posture, non pas ce que j'ai peur de perdre, mais qu'est-ce que je peux donner à partir du trop-plein que j'ai reçu de l'Évangile. Et ça, effectivement, ça transforme complètement. Je pense au pasteur, par exemple. Si le pasteur, dans sa paroisse, se dit, bon, il faut faire ceci, il faut faire cela, et développe des activités multiples, et nous avons énormément de pasteurs surmenés, qui sont dans des tas d'activités, et qui développent des tas d'activités attrayantes pour attirer, entre guillemets, et fidéliser les paroissiens, ce qui est bien, comment on va dire, honorable dans leur travail. Mais en raisonnant dans un autre sens, qu'est-ce que nous pouvons donner de nous-mêmes à partir de la joie de l'Évangile, on peut très bien développer une orientation majeure, comme tu l'as dit par exemple, cette paroisse qui développe la dimension sociale, ou telle autre paroisse qui va développer la dimension catéchétique d'adulte par exemple, ou bien je me dis même, pour les pasteurs, perdre du temps. Et là, vous avez bien l'expression « perdre du temps ». Perdre du temps à rencontrer les paroissiens dans un lieu qui serait un lieu de rencontre, dans l'église, dans le cœur de l'église, pour discuter avec les gens qui sont des passants, c'est aussi une forme d'évangélisation, entre guillemets, sans prosélytisme, mais simplement d'être à l'écoute de ce que les passants ont à dire. Je peux juste dire quelque chose qui prolonge un peu ce que tu dis, toujours dans ce même thème. Oui. Et ça, c'est un accent qu'on retrouve dans à peu près toutes les contributions. Le fait que tout ça, c'est pas que le travail du pasteur. Et voilà. Dépastoraliser un peu. J'allais le dire. Continue. C'est-à-dire que on sent bien que le renforcement ce sacerdoce de tous les croyants. Oui. Aujourd'hui, c'est à chacun d'être actif. Hein, et on a peut-être été aussi un peu responsable en pastoralisant trop les choses, etc. Donc on a un peu déresponsabilisé les chrétiens, mais c'est chaque chrétien qui a à être ce témoin de la bonne nouvelle. Et très concrètement, ça les Anglais nous apprennent à être pragmatiques, il y a des activités d'église qui ont maintenant un succès même national, voire au-delà, qui ont été initiées par des groupes. Simplement, où il n'y avait pas d'ecclésiastique, il n'y avait pas de pasteur, c'est des groupes de croyants, des groupes de chrétiens qui étaient convaincus qu'il fallait faire ceci. Ils l'ont fait, d'ailleurs souvent un peu à la marge, avec un regard assez suspicieux des institutions, et après on a été obligé de reconnaître que ça marchait. Donc, c'est là qu'il y a un changement. C'est l'institution, on fait plus confiance peut-être. Oui, et puis on a. Voilà, c'est pour ça que je me suis mis en grand qui fait, c'était exactement la suite, c'est-à-dire. C'est pas le pasteur, j'ai donné l'exemple du pasteur de paroisse parce que c'est souvent la personne qui doit porter l'ensemble du projet, mais évidemment il y a des talents multiples, musicaux, artistiques, ou bien des temps, des personnes qui ont du temps. Alors nous nous sommes aussi posé la question, quel nouveau langage? Parce que c'est ça l'enjeu, si nous avons tous à être témoins, dans quel langage pour aujourd'hui? Et ça, c'est une question très difficile, puisque nos langages sont connotés parler du salut ou de la grâce, aujourd'hui, ça, tout le monde se dit c'est pour l'au-delà. C'est après la mort, ça ne nous intéresse pas, ça ne fait pas partie du quotidien. Et c'est pourquoi il faut repenser aussi, ça c'est le boulot des théologiens, repenser dans des catégories théologiques qui ne sont plus des catégories pénitentielles, sacrificielles, ou bien juridiques, comme l'apôtre Paul le fait, sans pour autant être infidèle à la pensée du Nouveau Testament. Et moi, personnellement, par exemple, j'essaye de réfléchir au concept de bénédiction. Alors, pas du tout dans le sens de la bénédiction rituelle telle qu'on l'utilise dans les églises ou dans la discussion aujourd'hui, mais une théologie de la bénédiction, c'est-à-dire, c'est quelque chose que tout le monde peut éprouver. Qu'est-ce qu'une bénédiction? Une parole et quelque chose que je reçois, dont je suis bénéficiaire, qui me relève, qui me donne de la force. Voilà, dans ce sens-là, nous ouvrons les portes vers une théologie du salut, sans parler dans des catégories pénitentielles du salut. Je ne dis pas que ça doit remplacer la théologie du salut, mais c'est une porte d'entrée avec un langage différent. Bon, ça c'est juste un exemple. Et puis nous avons discuté de manière transversale ici, la question de l'interprétation biblique. Parce que nous vivons toute notre vie d'église à partir des problématiques bibliques, mais la Bible aujourd'hui, comment en parler et comment réécrire en quelque sorte pour les réalités d'aujourd'hui, dans la fidélité à l'esprit biblique, les textes. Je ne dis pas réécrire au sens formel, mais repenser et revivre les textes. Donc ça, c'est un enjeu très très important. Et puis aussi, est-ce qu'on est capable en Église de vivre consciemment la faiblesse, la fragilité et la situation de perte d'influence? Ça, c'est un enjeu aussi qui a traversé les discussions. Comment ne pas succomber à la tentation de vouloir faire du chiffre et donc d'entrer dans des catégories d'attraction et de marketing? Il ne faut pas être naïf non plus, mais ne pas succomber à ces catégories de marketing et de développement qui peuvent se faire au détriment de la qualité de la théologie. Donc pour les églises, je dirais les églises historiques, l'église catholique, les églises anglicanes, les églises luthériennes et réformées et méthodistes, qui sont les grandes églises traditionnelles, comment peuvent-elles aujourd'hui, dans l'hémisphère nord, assumer leur faiblesse, leur nouvelle faiblesse, sans entrer dans cette tentation de vouloir développer des choses attrayantes à tout point de vue, parce que nous avons une théologie complexe, en finesse, subtile, faite de nuances. Il n'y a pas d'un côté les bons, de l'autre côté les mauvais, ça c'est à faire, ça ce n'est pas à faire. Donc c'est ça qu'il nous faut essayer de traduire de manière cohérente et claire, sans pour autant entrer dans des schémas trop catégoriques. Donc je dirais comment valoriser ça, et aussi la qualité des liens entre les églises qui sont une chance, plutôt que de voir les églises en concurrence les unes avec les autres. Voilà, donc ça c'était un peu notre projet, c'est pourquoi notre sous-titre c'est « Approches œcuméniques et européennes » pour montrer qu'il y a ici une nécessité que les églises s'unissent et non pas se profilent les unes contre les autres. Parce qu'on a les sociologues nous disent, plus il y a d'offres du religieux, plus il y a de concurrence, mieux c'est. Mais je parie de mon côté que c'est la qualité de ce qu'on donne comme signe dans le monde qui nous entoure qui va persuader les gens. Et pas l'offre particulièrement profilée, parce qu'ici il y a ceci et ici il y a cela. Mais c'est plutôt le signe qu'on donne si des églises sont capables de se respecter mutuellement, de s'ouvrir les unes aux autres, d'avoir une vie de qualité entre elles. Je pense que ça persuade davantage les contemporains que de faire telle offre extraordinaire et telle offre extraordinaire. Si je peux aller voilà. Tout à fait dans ton sens sur ce point de vue, c'est en plus, il y a un certain nombre de projets, on ne peut plus les faire tout seul. On n'est plus assez fort, donc il faut tout ce qu'on peut faire ensemble, faisons-le ensemble. Et donc il y a des expériences même sur Strasbourg ici qui montrent que par exemple le rassemblement de Thésée d'il y a 2 ans des jeunes, hein, a créé un dynamisme de choses qui ne se faisaient pas avant. Voilà. Hein, c'est un bon exemple. Hein, parce que on hésitait, même entre protestants et catholiques, etc. Et bien, pour la première fois, le pèlerinage catholique au Mont-Saint-Odile, il est devenu œcuménique cette année. Hein, donc il y avait des protestants et des orthodoxes qui l'ont fait. Et ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu cet événement qui avait mobilisé toutes les communautés, indépendamment protestantes, catholiques, et même de l'autre côté de la frontière, puisqu'il y avait l'Ortonau qui était aussi partie prenante, hein, où disons, pour une action concrète, précise, il faut qu'on soit tous ensemble. Hein, et ensuite, il va y avoir des répercussions dans les vies communautaires de chacun et dans les dans la durée. Donc, ça, c'est... Voilà. Donc ce sont différents chapitres, quoi, par différents auteurs. Oui. L'organisation territoriale de nos paroisses n'est-elle pas un handicap pour un renouveau? Parce que, nous habitons Bar, et automatiquement, on est paroissien à Bar. Mmh. Et si on est intéressé, si à côté, ou dans quelques kilomètres, il y a une paroisse où quelque chose se passe, c'est difficile de s'intégrer là-bas, parce qu'on n'est pas cru. Alors, pour moi, c'est une difficulté. Oui, oui, oui. Ça c'est aussi un... Et en tant que pasteur, en plus. Alors ça, c'est un problème qui est abordé surtout chez les Allemands, en fait, hein, qui ont un système aussi très, très territorial, etc. Et l'idée, et il y a même un livre qui est paru, parce que moi j'ai pas mal étudié le domaine allemand, est-ce qu'il faut privilégier des églises régionales, par exemple, hein, c'est-à-dire ce serait un peu la fin de la territorialisation et des paroisses locales, on n'a plus qu'une espèce de paroisse consistoriale. Ou alors garder des petites des paroisses qui ont quand même l'intérêt d'être en prise avec des réalités de quartier, etc. Et en fait, la réponse, vous l'imaginez, parce que tout ça a été fait par rapport aussi à des enquêtes, c'est qu'il faut essayer de garder les deux modèles. Oui. C'est-à-dire que c'est pas... mais il y a une question de... Il y a tout ce qu'on peut faire ensemble, faisons-le ensemble, la paroisse ne pourra plus tout faire. Hein, ne pourra plus tout faire, ne pourra plus tout assumer. Hein, donc elle va déléguer à une structure supra-paroissiale qui va être constituée d'un certain nombre de communautés périphériques dans lesquelles peuvent être aussi d'autres confessions, d'autres structures d'église. Hein. On peut aussi faire des choses avec les jeunes, etc. Eh bien, ça va être pris à un autre niveau. Ça va être à un niveau plus large. Mais ça va, il va y avoir des retombées sur la vie paroissiale. Par contre, pour le quotidien, pour un accompagnement personnel, pour des visites, etc., là, les liens de proximité restent quand même aussi très importants, parce que c'est aussi les gens qui sont là, les gens qui habitent, la visibilité, le contact aussi avec des associations. Ça, c'est une chose très importante. Mmh. On est quand même des structures, nos paroisses, il y a une certaine rigidité, mais on travaille, pas hésiter à aller dans le domaine associatif, surtout en Alsace, où il n'y a pas le risque de une laïcité un peu trop envahissante, hein, on peut avoir des partenariats aussi avec des structures qui ne sont pas forcément ecclésiales. Mais pour ça repose sur des relations de confiance, du travail au quotidien, d'accueil, etc. Donc il faut privilégier les deux, voilà, un niveau local et puis un niveau supralocal, et travailler à l'articulation. Oui, c'est d'ailleurs ce que le centre-ville de Strasbourg, les paroisses du centre-ville de Strasbourg essayent déjà de faire, de conjuguer les deux. Mais je dirais que ce qu'on découvre, c'est que naturellement, de plus en plus, les gens vont plutôt par affinité. C'est-à-dire on va par affinité et plus par territorialité. Donc on choisit les lieux où on veut aller. Mais les églises, il y a des communautés évangéliques qui ratissent très large. Et qui ont une communauté vivante. Si nous prenons les paroissiens des différents villages, par exemple à la campagne, si on calcule en chiffres, ils sont peut-être plus nombreux qu'une communauté évangélique. Et pourtant, là-bas, il y a David, et puis dans nos paroisses, c'est un peu mort. Oui, c'est ça, c'est décourageant du point de vue ambiance quand il y a 10 personnes au culte, alors que quand on fait un culte consistorial et qu'il y en a 50, évidemment que c'est chantant et que c'est évidemment beaucoup plus exaltant. Là où je vois la difficulté, c'est pas qu'il y ait une double un double système. Mmh. Moi, je pense qu'il faut développer de plus en plus les doubles possibilités, c'est-à-dire qu'il y ait de plus en plus d'occasions de faire des rencontres plus larges. Mais là où ça devient problématique, c'est lorsque le groupe affinitaire remplace la paroisse. C'est-à-dire quand, par exemple, des gens disent « Moi, je vais plus qu'au culte parents-enfants, parce que tous les autres cultes ne m'intéressent plus et que les paroissiens sont tièdes et que c'est ennuyeux, etc. » Et que donc on s'exclut en quelque sorte de la communauté plus large. Et bon, on peut donner des tas d'autres exemples de situations comme celle-ci. Là, ça devient problématique. Donc l'idéal serait de ménager à la fois la possibilité qu'il y ait des lieux plus engagés ou plus liés à telle ou telle activité, donc des lieux affinitaires, et puis qu'il y ait des occasions fréquentes de rassemblements plus larges, et surtout plus où il y a une ambiance. C'est-à-dire, je crois que le monde évangélique vit quand même largement de cette ambiance festive avec la musique, les groupes, l'atmosphère. Je voulais juste, par rapport à ce que vous avez dit, vous avez soulevé le problème de la communication et de l'information en disant « mais moi je ne sais pas ce qui se passe à côté, donc je dirais bien, mais je suis lié aux informations qu'on me donne qui sont liées à mon territoire, etc. » Alors là, on pourrait peut-être, ça n'a pas été énormément développé dans cet ouvrage, mais ça y est quand même en filigrane, l'importance des stratégies de communication avec les nouveaux médias. Oui. Aujourd'hui, ça coûte rien du tout de faire un site internet pour. Ce serait même un peu absurde parce que le média internet, il est complètement ouvert, hein, que chaque paroisse ait son petit site, hein, mais faisons un pour une entité comme ça. Et on rend visible ensuite on travaille par des lignes d'information, etc. Et on a un côté virtuel, une espèce de présentation virtuelle, où là, c'est plus d'abord la paroisse qui se met en avant visuellement, mais c'est ce qu'on veut, ce que les rédacteurs, hein, mais qui sont au service de ceux qui les ont mandatés, on va rendre visible un événement dont on voudrait que tout le monde, le plus de monde possible, puisse participer, puisse le savoir, en parler à d'autres, etc. Et c'est ça qui va être, mettons, en première page, hein, sur un site, ça va rester le temps nécessaire, puis après on mettra en avant autre chose, etc. Ça c'est, on est aussi là dans une phase de basculement où aujourd'hui on voit bien que on a un double public, hein. Il y a un public qui reste très attaché aux journaux d'église qui ont leur rôle, mais il y a aussi une autre manière de communiquer, et les pasteurs nous le disent, hein. Ils voient arriver des fois des gens qui disent on va d'abord sur le site, on va voir ce qui est dit, et ensuite on se rend sur place. Donc voilà, ce niveau de la communication numérique, où des médias se répondent les uns et les autres et on se met d'accord sur une espèce de stratégie de communication pour mettre en avant tel événement, etc. À la longue, ça porte fruit. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout formé à ça. Hein. On n'est pas du tout formé. On est formé à une communication beaucoup plus institutionnelle où chacun communique sur ce qu'il fait. Et puis, si ce n'est pas lui qui organise telle chose, il ne va pas communiquer. Oui. Non, mais il faut sortir cette logique. Maintenant, il faut se mettre d'accord sur, il y a des priorités et être capable puis différents niveaux de communication. Et un événement est annoncé dans la presse, vous le retrouvez sur un site ou sur un blog, on en parle, etc., etc. Pour finir, ça va créer une dynamique et on a des chances de pouvoir rassembler les gens. Enfin, le côté communication, hein, qui était, encore une fois, c'est pas un enjeu, enfin, on l'a pas visibilisé en tant que tel là-dedans, mais c'est quand même quelque chose qui ressort très souvent de ces, pourquoi ça a marché, parce qu'aussi on a une bonne communication sur ce qu'on veut mettre en avant. Voilà. Je crois que vous avez dit un mot important, bénéficiaire. Mm. J'ai observé que dans des cultes dont vous avez parlé parfois chez les évangéliques, il y a ce mot, à la sortie du culte, on est consolé, relevé, compris, nourri, et on peut repartir. Donc c'est peut-être là-dessus qu'il faudrait davantage travailler. Tout à fait. Arriver à faire, à donner l'impression qu'on est ce que l'on fait, ou que l'on fait ce que l'on est, mais en donnant ce côté « je suis bénéficiaire d'une bonne nouvelle, je la transmets ». Voilà. Avoir quelque chose, parce que le succès des évangéliques, c'est ça. La musique, moi je me méfie de l'émotionnel. Hein. Oui, mais moi aussi. complètement. Bien sûr, mais je crois que c'est vraiment le mot bénéficiaire, ça c'est important. Oui. Transmettre le bénéfice de ce qu'on a reçu. Oui. Alors que nous sommes très enseignants, dans notre, surtout les protestants, on a tendance à dire ce qu'il faut dire, donc à être de type enseignant, alors que, effectivement, mais le sens... Ce n'est pas exclusif. Non, non. Parce mais... que le message théologique est nourrissant, en soi, mais il faut, bon, faire passer cet aspect. Oui, oui, tout à fait. D'autres... Oui. Excellent. À propos, pour rebondir sur l'aspect émotionnel de la musique, j'ai rejoint là une paroisse où, à mon avis, cet aspect-là est très fort dans un culte. Simplement, c'est de l'orgue. Ah, voilà. Mais je suis sûr que, pour beaucoup, cette part d'émotionnel est tout à fait présente. Donc, le changement... Oui, d'accord. Il y a peut-être d'autres choses, naturellement aussi, mais c'est plutôt la question de dire à qui ça parle. Et à quel public que l'on voudrait rejoindre, on peut parler au travers d'autres formes musicales. On parle en musique, il y a d'autres aspects naturellement. Oui, donc tu dis, il ne faut pas dire, il n'y a pas d'émotion chez nous non plus. Oui. Les cultes, on le vit aussi avec l'émission, c'est peut-être plus intériorisé. De ce qu'on vit, de bien souvent ce qu'on cherche aussi. Le problème, ce n'est pas tellement ça, c'est peut-être d'en user ou d'en faire un outil ou de manipuler au travers de ça. C'est là qu'il y a... Oui, je pensais aux dérives émotionnelles, les trans et des choses comme ça, je ne pensais pas du tout à la musique. Ah oui. Je voulais aussi évoquer quelque chose qui me semble transformer nos conceptions. On a traditionnellement, enfin de là d'où on vient, comme église historique, on veut transmettre une sorte de, comment dire, de toute une compréhension de la foi, de la relation à Dieu, qui est construite comme une qui fait sens dans une cohérence. Or, on a de plus en plus des gens qui viennent grappiller ceci, grappiller cela, qui sont des passants. Et il faut qu'on passe d'une logique de fidèle à une logique de passant. Et que ce soit dans nos cultes ou dans les, on le voit en ville surtout, peut-être moins à la campagne. Mais même les gens dans les campagnes, bon, quand ils viennent, il faut que ça aille vite. Et puis, on ne peut plus transmettre le message théologique dans une grande construction intelligente et construite et organisée, comme on a l'habitude de le faire quand on a l'habitude de travailler comme ça. Mais aujourd'hui, il faut presque aller dans l'autre sens et essayer de dire qu'est-ce que je vais dire en 30 secondes ou qu'est-ce que je peux dire en deux phrases de ce qui est important. Précisément pour des gens qui soit ne viennent pas suffisamment souvent pour arriver à être construits dans la perspective qu'on veut transmettre ou qui n'ont pas le temps. Et ça, c'est un sacré défi parce que ça oblige à créer une théologie qui aille tout de suite dans le vif du sujet sans perdre sa profondeur. Faire un petit catéchisme version. Voilà, alors bien, là vous avez prononcé le mot, je crois, le mot important. On parle maintenant donc beaucoup de catéchisme d'adultes ou de parcours de foi, etc. Là il y a un vrai lieu de rénovation de notre langage, de notre public, de notre discours, c'est-à-dire comment on a tout un public de gens qui savent plus rien. Qui ne savent plus rien et qui ont envie de savoir, mais soit qui n'ont pas été catéchisés, soit qui l'ont été, mais ils ont tout oublié. Mais beaucoup, c'est la génération aujourd'hui de gens qui arrivent à l'âge adulte qui n'ont jamais eu, ni dans la famille, ni à l'école, ni dans le cadre professionnel, etc., ou amical de leur cercle d'amis, même le béaba de ce qu'est la foi chrétienne, qui sont même plus capables d'identifier s'ils voient un Christ sur une croix, ils vont dire pourquoi cet athlète il fait de la musculation là, qu'est-ce qui lui arrive, des choses comme ça, mais c'est pas si faux. Donc on est vraiment, et là il y a une chance, je crois qu'il y a une chance. Alors c'est à la fois une difficulté parce qu'on a été formé, la catéchèse de l'Église c'était de donner d'approfondir, faire un approfondissement théologique, biblique, sur un donné qui était déjà là, parce qu'il y avait une culture chrétienne qui se transmettait, en cas de la famille, peut-être la société même, elle-même transmettait, et maintenant il n'y a plus ça. Donc c'est un sacré défi, mais c'est aussi un défi très intéressant, Parce que, et ça, les catholiques travaillent beaucoup, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la catéchèse des adultes, ils appellent ça les recommençants, ou la seconde annonce, des choses comme ça. Et y a une espèce de nouveauté aussi, des gens qui sont avides, et il n'y a plus cette. Parce que si on n'a plus cette culture de base, on n'a plus non plus. On n'est plus héritier des mauvais travers, parce que ce qu'on nous a transmis, c'est aussi parfois des choses un peu trop problématiques. Oui. Souvent, les gens, ce qu'ils rejettent du christianisme, ce n'est pas le christianisme, c'est une déviation des modèles que nous aussi, on rejetterait. Oui. Donc, des gens tout à fait vierges, et qui sont prêts à. Donc, il y a une soif d'apprendre. Le problème, c'est qu'on manque un peu de matériaux. Alors, bon, je sais que Guy-Pierre travaille beaucoup sur une adaptation, peut-être tu pourras nous en dire un mot. Mmh. Justement de modèles, puisqu'en en Allemagne il y a énormément de parcours de foi, il y en a moins 9 officiels je crois, enfin ils sont plus de 25. Ah bon, alors oulala, je suis dépassé. Voilà. Mais tu veux dire quelque chose là-dessus sur ces parcours de foi? Oui, ce serait bien. Je vais peut-être reprendre le fil à partir de ce qu'Elisabeth a dit tout à l'heure et le renforcer. Ce dont nous sommes bénéficiaires, ce que vous avez repris, c'est aussi plutôt au lieu de vivre ou de se rendre compte de tous nos déficits personnels, communautaires, ecclésiaux, de partir à partir des promesses de Dieu, ce que les Allemands appellent Verheißungsorientierte Gemeindeaufbau, Gemeindeaufbau qui parle orienté à partir des promesses de Dieu. Dieu nous fait des promesses, Dieu nous offre des choses. Elisabeth l'a dit, je voudrais simplement le renforcer dans ce sens-là et de dire, il ne s'agit pas de réagir parce que nous sommes paumés, petits, sans force, mais de dire, réagissons parce que Dieu nous a promis des choses. Est-ce que nous croyons encore que sa parole, aujourd'hui, porte des fruits et a des effets si nous la partageons? Ça, c'est une première approche qui est tout à fait positive et qui n'est pas seulement de la suggestion. On pourrait dire que c'est de l'autosuggestion. Ben non, c'est une réalité, puisque Dieu veut cela pour nous. Ça serait la première chose. La deuxième, je crois, dans l'évolution du partage d'évangile ou de l'évangélisation aujourd'hui, ce n'est plus simplement une personne surmenée ou à bout parfois, ou qui tire dans toutes les directions, le pasteur dont il était question, mais c'est plutôt des communautés qui sont appelées à évangéliser aujourd'hui. Ce que moi j'appellerais des communautés arc, c'est-à-dire accueillantes, rayonnantes et confessantes. Donc que nous apprenions à, en tant que communauté, à être accueillants, d'une part, à tous ceux qui passent, et là je rejoins ce que disent nos deux orateurs, ensuite, rayonnantes, c'est-à-dire qu'elles vivent quelque chose qui les dépasse et qui leur permet d'aller plus loin, qui attire aussi au sens noble du terme vers l'extérieur, parce qu'il y a une vie authentique qui s'y développe et qui passe au-delà des murs de la paroisse et de l'église. Et puis confessante, c'est apprendre à dire sa foi, la vivre en tant que rayonnante, mais confesser, c'est aussi savoir la formuler aujourd'hui de façon nouvelle. Et ça, c'est à réapprendre, parce que la plupart de nos paroissiens et l'attitude que nous avions, c'était on vient, on s'assied, on écoute, on reçoit, c'est bien, on rentre chez nous et c'est terminé. L'évangile se partage au-delà de l'heure que nous passons ensemble à l'église, ou de l'heure d'étude biblique, ou de l'heure de la répétition de la chorale en semaine, mais est appelé à irriguer l'ensemble de la vie. Et c'est là que l'on en vient alors au parcours, qui sont proposés, différents types de parcours, que ce soit, alors pour prendre le plus connu et qui est parti de l'Église d'Angleterre, ce sont le parcours Alpha, qui repose en partie sur la convivialité pour l'accueil, dont je parlais tout à l'heure, mais ensuite qui essaie de rayonner quelque chose et de dire un contenu. Alors on peut être d'accord sur les formes du contenu ou non, ça c'est une autre façon d'analyser et de voir. Mais en tout cas, ce sont des essais qui ont essaimé. Alors que ce soit maintenant le parcours Alpha ou celui que j'ai adapté avec des collègues, qui est le Christ Perm, Christ Live, donc devenir chrétien, rester chrétien, qui s'appelle aujourd'hui Voyage au pays de la foi. C'est une autre approche. Il y en a encore d'autres. Je pense aussi à Stufen des Lebens, donc une autre approche biblique qui est plus existentielle que simplement intellectuelle et théorique, où on essaye de s'impliquer dans le texte biblique et de devenir soi-même un des personnages pour mieux le ressentir et voir que finalement les personnages bibliques vivent quelque chose qui est très proche de ce que nous vivons. Ils ne sont pas aussi éloignés que cela. Donc là, je crois que c'est un vrai défi de réapprendre à formuler sa foi, mais comme dit encore, pas seulement seul, mais ensemble en communauté, et de voir ce que d'autres font, essayer de l'adapter. Non, c'est tout à fait ça. Alors on a, Oui. Je suis d'accord avec monsieur. Je trouve que, en fait, en Occident, et par rapport à d'autres religions, les gens, ils ont honte ou peur de paraître ridicules quand ils disent chrétien ou quoi. En fait, c'est comme si on cachait quelque chose, surtout pour les jeunes ou même, même dans le milieu adulte, professionnel ou quoi, discuter. Ah, t'es chrétien ou quoi. Enfin, je sais pas, et les gens ont peur d'affirmer leur foi, quoi, et il faut réinvestir ça aussi. Ouais. Et c'est sûr que là, communautairement, c'est plus facile aussi de le faire d'un point de vue communautaire. Ça vient aussi l'influence de la télé, les émissions, où voilà, on ridiculisait aussi le christianisme aussi, d'une certaine façon, on relativisait plein de choses. Mais j'ai remarqué les gens, des fois, si on discute juste entre nous qui sont chrétiens, on peut bien discuter, mais autrement, les gens, ils ont peur. Hein. Enfin, ils sont contents s'ils voient qu'on est chrétien et qu'on ose affirmer. Voilà, ils parlent et ils sont contents. Mais moi, j'insiste sur le fait que c'est un changement de culture aussi, hein. Même par rapport aux protestants, hein, surtout moi qui viens de l'intérieur, hein, c'était pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Parce qu'on est quand même héritier de des centaines d'années où notre survie était liée au fait qu'on ne soit pas trop visible. Justement, il ne fallait pas se montrer. Il fallait... Et on passe sans transition de ça à maintenant, au contraire. Il faut l'être. Hein? Comment, avec qui, dans quelles conditions, etc. Vous voyez, il y a un changement. Mais... Oui. Voilà. Et il faut dire aussi que c'est un phénomène très français, parce qu'en Allemagne, on dit ouvertement qu'on est croyant, et puis les églises ont des crèches, des jardins d'enfants, des écoles, des institutions diaconales, ça fait partie de la vie courante. Donc on a quand même effectivement un problème côté français. En parlant justement de la France, bon, peut-être pas en Alsace, mais parce que justement à force de laïcité, ça devient pas un laïcisme. Ça se fait un petit peu totalitaire, quoi, parce que ça devient carrément anti-religieux. Aborde une autre question. Non, mais c'est un problème. On est dans cette situation-là, il faut faire au mieux. Avec des... Monsieur, Olivier. On a dit que dans les pays anglo-saxons, l'initiative vient souvent des laïcs, des non-pasteurs. Alors, un exemple tout à fait très important d'une initiative venant de laïc, c'est le Kirchental. Voilà, vous étiez, moi aussi, enfin quelques-uns y étaient là. Je veux dire, ils font appel à des pasteurs comme animateurs, mais l'initiative. Voilà. C'était des gens actifs dans le monde, dans la société, et qui ont éprouvé le besoin à un moment de dire ce qu'on fait, on le fait parce qu'on est chrétien, et on veut le dire, et on veut le dire haut et fort. Et être chrétien, c'est aussi être un garant d'un discours, d'une action de qualité, respectueuse de l'autre. Voilà, il n'y a pas d'instrumentalisation. On n'a pas honte de dire qu'on est chrétien, et on le montre, on le dit. Hein. En France, ce serait impensable. Oui, au Kirchentag, les politiciens participent au débat. Tenez, puisqu'on y était ensemble, là, et on y revient, je vais donner un exemple qui illustre parfaitement ça, de ces initiatives individuelles. Il y avait une activité, vous savez que je m'intéresse pas mal à l'art, où c'était le plus grand livre illustré, la plus grande Bible illustrée du monde, hein, sur 1,5 km. Je me dis, je veux voir ça, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Hein, alors j'y suis allé, et effectivement, c'est un artiste qui a passé 16 ans de sa vie à de la première page de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Il a tout traduit en images, hein, et ça fait, il en a 19 volumes, et s'il les aligne, ça fait un kilomètre. C'est en volume. Oui, c'est en volume, mais c'est un volume qui peut se déplier comme ça, ça se déplie comme ça. Mais il voudrait ensuite maintenant arriver à l'exposer dans une rue, et donc bloquer 1,5 km. Hein, et que les gens puissent se balader, etc. C'est ça son projet. Alors je lui dis, tiens, ben, j'ai une idée, peut-être qu'on va pouvoir faire venir ça à Strasbourg, enfin j'ai des petites idées. Et je lui ai dit, alors, le monsieur est mort, mais c'est ses enfants qui présentaient ça. Je lui dis, mais il l'a fait comment? Ben, comme ça, un jour ça lui est venu, il a dit, j'ai envie de traduire toute la Bible en images du début à la fin. Je lui ai dit, mais il a une commande, il a été... Non, c'était... Voilà. Et je lui ai dit, mais on le sait? Il dit, non, c'est la première fois qu'on présente ça. personne ne sait, sauf nous. Et quand on a découvert à sa mort, on a découvert ça, enfin il savait puisqu'il travaillait pour 16 ans, on s'est dit on peut pas laisser ça comme ça. Et mais il n'y a aucune instance, aucune église qui était là, aucune voilà, c'est une initiative totalement personnelle. Et moi, à mon avis, ça va assez bien dans le sens de ces initiatives, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi capable, enfin on devrait l'être, de valoriser des initiatives personnelles qui sont reprises communautairement. Alors qu'avant, on s'en méfiait. Hein, on se méfiait. Si on faisait quelque chose un peu trop personnel, on était censé se mettre en avant, on se fait valoir, on n'est plus dans la théologie de la grâce, on est dans les œuvres, etc. Oui. Enfin, vous voyez, et du coup, je pense qu'il y a eu des tas de vocation de gens qui avaient envie de faire des choses mais qui ont été découragés parce qu'on leur dit il faut passer par une commission qui va statuer, décider, etc. Du coup ils sont allés faire ce qu'ils avaient envie de faire ailleurs et leur don s'est perdu, hein. Or ça c'est aussi quelque chose qui est revalorisé dans ces théologiquement une théologie des dons, hein. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas que des ministères, d'ailleurs un ministère, il y a des dons surtout, les charismes personnels. Et peut-être qu'on est un peu responsable dans notre église, on n'a pas été assez ouvert, on n'a pas favorisé tout ça. Et je crois que là, on est dans une autre logique maintenant. Oui, parce qu'effectivement, on a toujours peur certains soient favorisés par rapport à d'autres. Ouais, mais c'est faux. Ouais. Hein. Oui. C'est même bibliquement faux, et théologique. Oui. Bon. Est-ce qu'il y a encore une question ? Un petit exemple, oui. Venant du Calvita, on a parlé aussi du fait qu'il faudrait que les gens comprennent et reçoivent le message comme une promesse. On n'ait pas peur de dire quelque chose de positif et pas ne pas être des moralistes, disons. Voilà. Alors, le Calvita, le grand culte final. La prédication a été faite par une femme et elle a commencé par dire: vous êtes des gens formidables. Ihr seid alle tolle Leute. Hein? Commencer une prédication comme ça. Parce que elle a dit: je vous vois sourire, je vous vois heureux. Vous êtes des gens formidables. Ça, c'est un message positif. Voilà, merci, merci de ce témoignage. Oui. C'est vrai que peut-être on peut avoir peur que les gens rigolent, tout ça. C'est vrai que dans ma classe, je sais que voilà, je suis croyante. Et en fait, plus que je partage la foi, plus que je vois en fait que les gens ils rigolent, mais parce qu'ils ne connaissent pas. En fait. Mmh. Voilà. Et si on prend le temps vraiment de leur expliquer, ils disent: ah, mais c'est ça, mais moi je ne savais pas. Et donc, du coup, après, ils ne rigolent plus. Et ils prennent vraiment les choses plus au sérieux. Après, c'est leur choix, bien sûr, mais c'est vrai, faut pas, je pense qu'il ne faut pas avoir des moqueries, parce que c'est tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas. En fait. Du coup, vous avez témoigné, en fait. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez témoigné de ce que vous vivez, de ce que vous croyez, de ce que vous vivez. Oui, c'est vrai, ce qui touche les personnes, c'est vraiment, finalement, c'est quoi la différence entre vivre avec Jésus ou sans, en fait, parce qu'il y en a qui ne connaissent vraiment pas. Et c'est vrai que en tout cas de ma génération, des jeunes dans ma classe, c'est vrai qu'il y a vraiment, il y a plus, enfin ils vont à l'église pour Noël et c'est et encore, et encore et c'est pour ça que quand ils vont à l'église, ils viennent et ils comprennent pas, ils savent pas, et c'est vrai que même s'ils comprennent pas pendant le culte, c'est vrai que quand il y a des gens qui sont accueillants, qui viennent leur parler, c'est sûr que ça, après ils sentent à leur place aussi, pour leur donner une place. Merci beaucoup, parce que vous nous avez donné, vous voyez, des tas d'éléments, de pistes, hein, le témoignage personnel, le culte, un culte enthousiaste, oui. L'humain aussi, ça c'était quelque chose d'important, hein, qui est relevé partout. Avant, on opposait aussi la convivialité d'un côté, et puis le sérieux, le spirituel de l'autre. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les deux vont ensemble. Hein, c'est pas du tout antithétique, antinomique, et même au contraire. Peut-être qu'à trop forcer sur le spirituel, on a sous-estimé la qualité des gestes tout simples, des choses qui sont... ça aussi, ça a été relevé dans pas mal d'études, la capacité à accueillir l'autre, hein, à être disponible, à lui sourire tout simplement, enfin de l'humain. Oui. Et ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que finalement, ce qui est important, c'est pas tellement les choses spectaculaires ou attrayantes, mais c'est bien faire comprendre ce qu'on entend par telle ou telle chose. C'est qu'on n'est pas des hurluberlus quand on est croyant ou qu'on n'est pas dans le surnaturel à tout craint, mais qu'il y a des choses tout simplement qui nécessitent qu'elles soient expliquées, comment on les vit, quoi. Mm-hmm. Ça me frappe dans ce que vous dites. Après, ce qui aide aussi beaucoup, enfin, moi, ce que j'aimerais dire, c'est le jeûne et la prière. C'est vrai que quand l'Église se met à prier tous ensemble pour un sujet particulier, que voilà, on a envie de voir l'Église grandir, on prend une semaine, je sais pas, on prend une journée où on prie, on jeûne pour ça. Et ben après, il y a aussi des choses qui se passent, quoi. Ça permet aussi dans sa tête aussi. Ouais. À disposition, ça, c'est bien de dire, on a envie que l'Église elle grandisse, c'est de rien faire à côté. Voilà, ça c'est une piste qu'on n'a pas. Qu'on pourrait approfondir aussi, c'est le rôle du corps, hein, de la corporealité, d'une spiritualité qui ne passe pas que par l'intellect, mais par les sens. Qui est vécu. Hein, et ça, c'est aussi des choses qu'on est amené à redécouvrir. Mm-hmm. Merci en tout cas de ce témoignage. Encore une dernière question. Un vôtre ou remarque Moi, je veux juste. Je ne sais pas si c'est une question ou quoi, c'était un constat. Est-ce que justement ces églises aussi qui se vident et tout, ça vient pas d'un défaut de transmission au sein de la première cellule d'une société, la famille ? Ah, ben ça c'est la famille. Ça, c'est sûr. C'est au sein du foyer quand les parents ne transmettent plus leurs valeurs, ce dans quoi ils ont été un petit peu élevés, éduqués. En fait, les parents relativisent, les enfants, ils font ce qu'ils veulent, enfin, ils pensent ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'est plus du tout dans le cadre à la réforme, au XVIe siècle, ici, à Strasbourg. Hein, il y avait trois lieux de catéchèse d'annonce de l'Évangile, c'était l'Église, la société, donc l'éducation, et la famille. Et c'est un peu trois piliers qui s'appuyaient les uns sur les autres. Ben là, aujourd'hui, il y en a deux sur trois qui tombent. Donc il ne reste plus que l'Église. Mmh. Alors, elle a beaucoup à porter sur les épaules. Donc, il faut effectivement. Il y en a beaucoup à faire. Oui, mais bon, on va pas se lancer dans la. Ouais. Donc, il faut des tuteurs, un peu comme les petits arbres ou les plantes ont besoin d'autres tuteurs pour les fortifier, qui ne sont plus forcément les membres de la famille. Une chose qui est ressortie un peu de toutes ces études, je crois que j'ai envie aussi de le dire. Deux choses, puis ce sera un peu ma conclusion, puis toi tu diras. La première, c'est qu'il faut ne pas fantasmer et ces processus de croissance de l'Église, développement, etc., on travaille dans la durée. Hein. Faut pas s'imaginer comme ça, on voudrait tout de suite, en mettant des mains avec quelque chose, et les gens arrivent par centaines, non. Mais c'est 1 plus 1 plus 1, puis c'est un processus long qui doit être réfléchi avec des étapes, tout ça. Et ça, je crois qu'il faut sortir un peu de ce fantasme de vouloir voir tout le monde arriver tout de suite, convaincu, parce qu'il y a aussi des résistances. Il y a aussi des résistances, on vit dans une société complexe. Hein, si on est patient, si on s'y met plusieurs, si on a aussi une certaine stratégie avec des étapes, etc., une église peut se développer. Puis la deuxième chose que je dirais, c'est, on en a parlé aussi, c'est revenu, il y a aussi tout un travail à l'interne. C'est-à-dire que quand on pense évangélisation, c'est toujours vers les autres, mais dans la mesure où ça doit être forcément aujourd'hui des processus collectifs, quand c'est la communauté qui évangélise, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des témoignages personnels aussi, ça veut dire aussi savoir gérer les relations dans la communauté. Et là, il y a eu, je pense, un gros déficit dans les années, les conflits, des mauvaises compréhensions, etc. On n'était pas du tout préparé à faire ça. Et aujourd'hui, il y a tout un matériel, gérer des conflits, les anticiper, accueillir l'autre, gérer l'humain, etc., etc. C'est l'humain, mais si on ne sait pas déjà communiquer entre nous, bien, comment voulez-vous qu'on arrive à communiquer avec aux autres, hein? Voilà, ça c'est aussi ce côté, un peu un travail en profondeur, qui passe par l'accueil de l'humain tel qu'il est, et peut-être des choses qui ont été un peu sous-estimées ou pas assez travaillées dans le passé. Mm-hmm. Voilà, on a du pain sur la planche. Oui. Moi, j'étais très frappée par ce que tu as dit tout à l'heure, passer à une théologie des dons, c'est-à-dire discerner finalement quels sont les dons qu'a chacun et que chacun peut déployer, non pas en disant qu'est-ce que je peux recevoir de l'Église, qu'est-ce que je peux recevoir, comment je peux profiter de ma paroisse, de mon Église, mais de dire qu'est-ce que je peux mettre à contribution, qu'est-ce que je peux donner de moi, où est-ce que j'ai des capacités ou des possibilités que je peux partager avec d'autres. Et je me dis, si on raisonne comme ça, et si dans les paroisses on s'exerce à discerner les dons des différentes personnes, je pense qu'on n'a pas besoin de faire des choses extraordinaires, mais qu'on pourrait développer plus de ressources. Et les dons peuvent être très très divers, même donner du temps, c'est quelque chose qui est... Des personnes âgées ou des personnes retraitées qui ne savent pas quoi faire, mais qui peuvent donner du temps simplement pour accueillir ou pour écouter d'autres ou pour... je ne sais pas, participer à des rencontres, ça c'est déjà extraordinaire pour ceux qui n'ont pas de temps. Et donc, quel genre de tuteur on peut trouver comme ça pour les différentes choses? Et puis la deuxième chose qui me préoccupe, c'est quel langage on peut développer. Alors on a déjà dit quelques critères, hein, qu'on les, ne plus être dans une théologie qui insiste sur la morale ou sur... ce qu'il faut faire, mais j'ai sous les yeux là les vitraux, l'exposition des vitraux. Nous avons un étudiant, Samuel Martin, qui a fait une série de vitraux ici. Je vois qu'ils sont pleins de symboles chrétiens. Bon, c'est un langage, mais c'est hyper codifié, il faut le connaître. Il faut savoir ce que c'est l'alpha et l'oméga, pourquoi il y a tout ça. Donc, essayer de trouver des langages qui soient parlants et qu'on peut arriver à transmettre. Sans que ce soit enfermant. Bon, donc on a du pain sur la planche. Ce qu'on voudrait, Jérôme et moi, par la suite, c'est peut-être développer une autre journée, une suite, sur des points qu'on n'a pas encore abordés. Et avec des responsables de terrain, c'est-à-dire pas avec des théologiens qui font le diagnostic, ça c'est le diagnostic là-dedans, mais plutôt avec ce qui existe, des choses qui se font. Donc, on verra. Voilà, enfin je sais pas, tous les deux on tourne pas mal enfin dans les églises, hein, et pas que en Alsace, mais souvent ailleurs. Il y a des endroits où il y a des choses très vivantes qui se passent, même en Alsace d'ailleurs, hein, mais seulement on ne le sait pas. Hein, et une fois ça sera que ces gens nous disent ce qu'ils vivent, la qualité de ce qu'ils vivent, etc. Et il se vit plein de choses aussi. Oui, oui. Voilà. Voilà. Merci. Voilà, on va pas trop pour te dire. Merci à la médiathèque de nous avoir invités.